Les éditions de l'Avenir présentent La paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe, province de Québec, par l'abbé Luc-Alphonse Lévesque, curé. Édité à Montréal en 1908. La paroisse de Saint-Camille, première partie, chapitre 1. Quel que soit le pionnier qui entre dans la forêt pour dresser sa tente et fixer sa demeure, il nous apparaît toujours comme un homme capable de surmonter de grands obstacles. C'est un géant. Sa démarche est digne d'admiration. Son courage est exalté. Qu'il soit guidé par l'ambition, par la passion des découvertes ou des aventures, qu'il cherche le silence ou la solitude, qu'il marche pour apaiser sa faim ou pour trouver la subsistance de sa famille, il vole au champ de l'honneur. Ses pas sont comptés. L'endroit qu'il a choisi est marqué. Son nom est enregistré. Il devient le fondateur d'une colonie, le père d'une paroisse. La gloire qu'il attache à son nom n'est pas incomparable, mais elle est préférable à celle du guerrier. Le fait est moins brillant, mais l'éclat en est plus durable. C'est plus qu'un fait, du reste, pourquoi ne pas l'affirmer? Il y a là une mission à remplir. Dans cette mission, la Providence est l'agent. Le hasard n'est rien. Celui à qui elle échoit agit sans préméditation. Il ne connaît pas même les desseins de Dieu. Une idée le pousse, il marche. La Providence conduit et, comme toujours, l'instrument dont elle se sert semble incapable de faire l'œuvre à accomplir. Mais l'œuvre commence et continue sa marche et le groupement surgit. Au bout d'une quarantaine d'années, l'organisation de la paroisse existe. 1000 âmes sont là dans l'intimité de la vie sociale. Elles ont leur église, leur prêtre, leur médecin, leur marchand et semblent n'avoir rien à envier aux anciennes paroisses. Voilà le mot de la création de 100 municipalités et paroisses canadiennes. On le sait à la vérité, mais ce qu'on ignore, ce sont les circonstances particulières dans lesquelles elles ont été formées, leur caractère, le mode d'organisation suivi, etc. Ceci est l'histoire particulière de chaque paroisse que l'enfant des premiers colons lira toujours avec plaisir et que leurs petits-enfants reliront avec plus d'intérêt encore. Il en est des paroisses comme des individus. Les unes sont grandes, riches, aristocratiques, sinon nobles. Les autres sont petites, nouvelles, pauvres. Elles n'ont d'autre renommée que d'avoir humblement vécu et de s'être immiscées un peu dans la voie du progrès. La paroisse de Saint-Camille est au nombre des dernières. Et pour elle, qui compte 60 ans d'existence, comme pour toute paroisse, il convient de dire « Il est temps de révéler le passé et d'y intéresser les anciens pour en conserver quelque chose et l'empêcher de s'enfouir à jamais dans l'oubli. » Chapitre 2. Démarcation de la paroisse. Son étendue. Description. Le village. La paroisse de Saint-Camille touche à la paroisse de Wharton et à celle de Saint-Georges de Windsor par le nord, à Saint-Joseph de Ham au nord-est, à Saint-Philémon de Stoke au nord-ouest, au sud à Saint-Adolphe de Dodwell. La superficie est d'environ 8,5 000. Deux de ces cantons, Stoke et Dodwell, ont restreint leurs limites pour lui donner l'étendue d'aujourd'hui. Ils ont conservé leurs droits municipaux dans les parties cédées pour les fins religieuses. 22 000 la séparent de Sherbrooke, capitale des cantons de l'Est. Son aspect n'offre ni de grandes plaines, ni de montagnes abruptes, mais les vallons et les collines d'un sol sablonneux. Elle paraît agréablement sise sur d'immenses plateaux de verdure. l'horizon s'en rapproche sous des couleurs diverses et des formes variées. En certains endroits, on voit des montagnes où alternent des ceintures d'arbres et des champs en culture. Ailleurs, c'est l'ondoyante forêt. Les bois sont l'érable, l'orme, le merisier, le tilleul, le hêtre, le frêne et le pin. Le sapin, la pruche et l'épinette dominent dans les endroits bas et humides. On ne trouve aucun minerai. Le sol, en mes endroits, est couvert de pierres qui rendent difficiles et dispendieux les premiers travaux de culture. Mais, comme toujours, les agriculteurs pratiques et laborieux trouvent le moyen de les rendre utiles. Ils les placent dans les cavités, les emploient pour les constructions, les alignent et les entassent en clôture. Le village n'a rien de caractéristique. Il repose sur un plateau légèrement arrondi. Les vallons qui l'entourent alimentent d'un côté un petit ruisseau, de l'autre la Magdeleine, une petite rivière. C'est jusqu'au sommet de cette élévation que se prolongèrent les chemins de Wotton et de Hamsud, ouverts par le gouvernement. Ils formèrent tout d'abord un détour à angle droit en ce lieu. La figure de l'équerre tracée par la route était frappante pour tout le monde. C'est là que la plupart des voyageurs s'arrêtaient pour se reposer. C'est là que les explorateurs de l'eau se ralliaient. La renommée s'attacha à ce lieu comme à un centre. Le site prit le nom de l'équerre et, sans préjudice pour personne, les premiers habitants le lui conservèrent longtemps. Aujourd'hui, rien ne prête à cette appellation. Les formes primitives sont disparues. Les constructions nouvelles ont du pittoresque au milieu des bouquets d'arbres. Elles s'alignent sur deux chemins coupés à angle droit et forment un joli ensemble qu'on appelle le village. L'ancienne chapelle abrite trois pauvres familles. Le premier presbytère, incendié en avril 1904, était devenu la propriété de M. le docteur Alphonse Thibault, qui l'occupa 10 ans. La résidence du maire, M. J.H. Crépeau, celle de messieurs Zacharie Manceau, Évariste Lecomte, Joseph Manceau, Jean-Baptiste Lemay, Edmond Boisclair, Léon Sauvage, Jean-Baptiste Sinotte, sont des constructions modernes, finies et remarquables. Les autres sont plus ou moins neuves et belles, plus ou moins décrépites et vieilles. À l'extrémité sud du village, il y a la beurrerie, les demeures de messieurs Lemay et leurs moulins à bois. Au centre, l'église domine, ayant à sa droite le presbytère peint en blanc. À gauche sont groupées l'école du village tenue par les sœurs de l'Assomption, la salle publique et la chapelle de Saint-Antoine. Ces lieux sont nivelés, ornés de plantations d'ormes, d'érables et de sapins. Remarquons que la nature ici est tout entière aux défricheurs. Elle n'offre rien aux muses. Point de nappe d'eau tranquille où les astres et l'azur se mirent, point de vagues écumantes. En revanche, vous avez les brises de l'est, le bruissement des arbres feuillus, le léger murmure des rivières et des ruisseaux. Chapitre 3. La colonisation en 1848. De 1832 à 1849, plus de 30 000 Canadiens sont entrés dans la République voisine. Leur occupation a été de servir les intérêts de la nation américaine en se livrant aux travaux de ces prodigieuses fabriques. Des milliers d'autres ont suivi et presque tous sont demeurés là, malgré les appels et les démarches de rapatriement. Cette désertion, quoique regrettable, s'exécutait alors plus qu'aujourd'hui de façon plausible. La situation faite aux Français de la province de Québec par la domination anglaise n'était rien moins que pénible et désavantageuse. La politique suivie pendant quelques 20 ans, politique rétrograde et préconçue, avait totalement paralysé l'action coloniale dans le Bas-Canada. Des problèmes sérieux demandaient une solution. Depuis longtemps, les réformes sociales pressaient. Les élections, la colonisation, les écoles, la judicature, les municipalités exigeaient des lois. plus en rapport avec les besoins du peuple. Les seigneuries n'avaient plus de terres cultivables à concéder. Il était connu que dans le nord, l'est et le sud de la province de Québec, la forêt couvrait des terres immenses et très fertiles. Mais de ce côté, grâce à l'apathie des gouvernants, les communications restaient fermées. N'ouvrant pas les routes ni les voies ferrées indispensables à la colonisation, ils tenaient les habitants comme enchaînés sur les rives du Saint-Laurent. Là, toutes les terres étaient occupées et fractionnées autant qu'il était possible de le faire. La population se multipliait sur l'étroit espace de quelques rangs de maisons échelonnées sur les bords du fleuve. Les professions libérales étaient encombrées et les journaliers travaillaient à gage réduit. La population devait encroupir dans la pauvreté ou s'expatrier aux États-Unis ou vivre dans les bois sans voie de communication. Il était question de l'asservissement et de l'esclavage des Canadiens français. Les amis de la colonisation s'émurent à la vue de ces misères et du dépeuplement des campagnes. Ils firent, à partir de 1840, de grands efforts pour établir l'immense étendue des terres inhabitées. Il y eut une croisade mémorable. Il contribua à enrayer l'immigration, à ouvrir des routes, à faire entrer dans la forêt de nombreux groupes de Canadiens. Plusieurs choisirent le Saguenay, d'autres s'acheminèrent vers les cantons de l'Est. Ici et là, plusieurs paroisses furent ouvertes presque en même temps. L'établissement du territoire de Saint-Camille date de cette époque. En 1848, un aventurier de Québec fit les premiers abatis d'arbres dans la forêt. Tout ce qui s'est passé dans l'âme du fondateur de la paroisse lorsqu'il prit la détermination d'entrer dans les bois, on ne le saura jamais. On dit que la vie bruyante des centres populeux ennuyait cet homme au point de lui faire rechercher un lieu solitaire et reculé. Il n'attendait que l'occasion d'abandonner Québec lorsque la route du gouvernement fut ouverte pour pénétrer dans les cantons de l'Est. Il l'a pris d'instinct et à l'aventure. Palpant un peu partout, il s'arrêtait ici et là, comme pour mieux faire un choix des lieux. C'est que l'air parfumé des bois et que les douceurs d'une liberté tant convoitée l'enivraient. Sa marche était lente, mais sûre, pour atteindre le but désiré. Il s'avança jusqu'au bout de la voie grobée, et sans s'arrêter, il dit « Plus loin encore, marchons dans la forêt. Ce que je veux, c'est la solitude. Je la veux pour des mois et des années. Je la veux pour toujours. » Tel est le courage inspiré par le dégoût des choses du monde. Il peut triompher de tout, soutenir la vaillance et surtout remplacer le savoir-faire. L'histoire doit apprécier ses actions puisqu'elle raconte les faits et la vie des hommes et les montre tels qu'ils sont. Chapitre 4. Les pionniers des rivières et de relais. Édouard des Rivières est l'aventurier de Québec qui, le premier, pénétra sur le territoire de Saint-Camille. Sainte-Énédine, paroisse du comté de Dorchester, dans la province de Québec, a été le berceau de son enfance. À quel âge a-t-il quitté sa paroisse? Quelle est l'histoire de la première partie de sa vie? A-t-il demeuré longtemps à Québec? Quels ont été ses agissements en ville et au dehors? À toutes ces questions, un des premiers colons de Saint-Camille, ami de Des Rivières, Jacques Renault répond « J'ai connu Édouard à Québec. Il était célibataire et orfèvre. Quelquefois, au temps des récoltes, il travaillait sur les fermes aux environs de Québec. C'est tout ce que je sais de son passé. » Sa lignée est-elle éteinte? Ses frères, ses sœurs, ses parents, s'ils existent, où sont-ils? On l'ignore. Tout cela est voilé. Des Rivières n'était pas expansif. Ses amis n'ont jamais véritablement pénétré les secrets de sa vie. On assure que son respect pour la foi catholique était profond et que, plus d'une fois, il l'a défendu contre les attaques des impies. Mais autre chose est de croire et de pratiquer. Quelques amis n'ont jamais voulu exonérer de tout blâme ses antécédents. On en parlait naguère. Et aujourd'hui, à la vérité, quels sont les bons comme les mauvais raconteurs sur la conduite de Desrivières? Il n'ajoute ni ne retranche rien au fait d'être le fondateur de la paroisse. À Saint-Camille, sa vie a été sans reproche. La vie rachète la vie. 30 années d'ermitage sont 30 ans de bonne disposition, de pénitence et de mérite. Il avait près de 50 ans quand il quitta Québec pour vivre dans les bois. L'époque de la première partie de sa vie est la plus mouvementée de l'histoire du Canada. Il a été témoin des insurrections et des fléaux qui sont venus fondre sur la population canadienne. Les événements de 1812, les troubles de 37 et 38 n'ont laissé qui que ce soit impassible. Si le fondateur de la paroisse de Saint-Camille n'a eu aucune part aux commotions populaires, a-t-il pu au moins se soustraire aux émotions pénibles qu'elles ont causées? Les caractères les mieux trempés ont ressenti les funestes effets de la plus dure oppression. Vaincre ou mourir a été longtemps la consigne des Canadiens français. Au sein de l'agitation populaire, la bravoure était exaltée, mais combien était-elle tempérée par l'insuffisance de la fortune et la durée des combats? Ce que la population française désirait depuis si longtemps arriva enfin. Elle trouva un homme d'action juste et pacifique en la personne de Lord Elgin, gouverneur du Canada de 1847 à 1854. Dès lors, on ne pensa plus à combattre, mais à vivre en paix et à réparer les ruines du passé. Toutes les branches d'administration prirent un nouvel essor. La fièvre de la colonisation devint intense au sein de la population de la ville comme des campagnes. C'est pourquoi on ne doit pas être surpris de voir Desrivières quitter la ville et se préoccuper de son établissement à 50 lieues de Québec. Il le fixe à quelques arpents d'une rivière, affluent de la rivière Nicolet. Déjà, le bruit cadencé de sa hache fait résonner les côtes de la forêt. Ses bœufs sont là, broutant les feuilles en attendant la charge du bûcheron. Une à une, les pièces rondes sont taillées et juxtaposées l'une sur l'autre. En quelques jours, il dresse son bâtiment rustique et, tout joyeux, il y prend place avec ses bœufs, l'un noir et l'autre blanc, qui occupent royalement la moitié du logis. Il avait fait beaucoup en fixant ainsi son établissement sur lequel il avait construit une maisonnette, mais il aurait pu faire davantage s'il eût été animé d'idées plus solides et plus sérieuses pour la colonisation. Qu'était-il ainsi solitaire? Déjà, entrevoit-il l'avenir? Une série importante s'élèvera-t-elle bientôt à la porte de son habitation? Dans 20 ans, sera-t-il au milieu d'une riante contrée couverte d'habitations entourées de prés verts et de pâturages abondants? Verra-t-il un village, une ville, construite sur les bords de cette rivière qu'il a choisie? Desrivières n'a aucun souci de ses projets d'avenir. Ses rêves sont la solitude. Son ambition est d'avoir un abri, un chez-lui, une habitation. Sans vocation pour l'agriculture, Desrivières ne fut jamais un véritable colon. Fort, mais inhabile à tirer parti des contretemps, sans expérience de la vie champêtre, il n'avait aucune des qualités nécessaires aux défricheurs. Ses aptitudes étaient d'être bijoutier. L'isolement, son nouveau genre de vie, ne devait pas changer ses goûts ni ses sentiments naturels. C'était prémédité. De toutes les habitudes du bûcheron, il ne prendrait que celles indispensables pour vivre. Ses mains habituées à polir le métal maniaient mal la hache et la pioche. Cependant, il ne se faisait aucune illusion sur la conduite à tenir pour vivre seul au milieu des bois. Il fallait à tout prix devenir bûcheron, car les froids d'hiver sont rigoureux, même au sein de la forêt. Il faut se pourvoir de bois de chauffage, et c'est une nécessité, quand on est seul, d'alimenter la marmite et de la faire bouillir tous les jours. Pour vivre, il fendait des joncs et entretenait un chantier de potasse. Occupé tantôt à l'un ou à l'autre ouvrage, il s'habitua à tout, même à la privation et à la misère. Son grand caprice était d'être à la mode. C'est une habitude qu'il contracta pendant son séjour en ville. Aussi, ne voulut-il jamais s'astreindre à l'accoutrement des défricheurs. Sa toilette spéciale et de bon goût, ses habits de coupe élégante, le singularisait tellement qu'à l'ouvrage, ses amis l'ont vu porter la chemise blanche et le chapeau fin. Il va sans dire que ses courses à travers les taillis, les amas de cendres et les bois brûlés écorchaient vif ses attifements. Mais Desrivières s'occupait peu de ces détails. Il ne voulait pas se départir de ses vieilles habitudes tant que sa santé et ses moyens lui permettaient d'y faire honneur. Même après plusieurs années d'absence, son affection pour Québec ne s'était pas refroidie. Tous ses souvenirs demeuraient vivaces dans son cœur. Condamné à vivre loin de ses amis, il aimait aller revoir. Une ou deux fois l'an, il les visitait, vendait ses joncs et renouvelait sa toilette. Ses idées avaient une tendance marquée à l'innovation. C'est ce qui faisait dire à ceux qui le connaissaient « Ce Desrivières a des drôles d'idées ». Ses théories ne répondaient pas à ses vues, même au sujet de la colonisation. La nécessité qui engendre les moyens l'a poussé plus d'une fois à des faits réprouvés par l'expérience. Caressant l'idée de devenir cultivateur à bon marché, tard à l'automne, il acheta 3 bœufs et une vache à bas prix. Il les acquit spécialement en vue d'un hivernement en plein air. Ses calculs étaient strictement économiques. Voici ses plans. Mes animaux boiront à la source, comme le renard et le chevreuil. Ils auront sous la dent les feuilles, les branches de sapin et de pruche. Quant aux maladies, n'ayons pas d'inquiétude. Ils auront à soi les racines, les plantes, les bourgeons de cèdre et d'aulne. Ce sont les meilleurs remèdes. Cette tentative en valait bien d'autres, mais combien n'était-elle pas risquée? Il lança donc ses bêtes au sein de la forêt, sans préoccupation, et l'hiver commença. Les bestiaux, poussés par la faim, piétinaient sur la neige et beuglaient dans les fourrés. Déjà en février, le danger de périr les menaçait. Édouard, les voyant dépérir, fit quelques démarches pour acheter du foin. Il n'en put trouver. La vache et 2 bœufs moururent à la fin de l'hiver. L'autre survécut jusqu'au mois de mai. À son grand chagrin, Desrivières constata qu'en pratique, la nécessité n'engendre pas tous les moyens. Il échoua dans beaucoup de projets semblables. Mais trêve aux défauts d'habileté. L'honneur d'être le premier vaut bien celui d'être le meilleur colon quand il s'agit simplement de l'honneur. À l'âge de 80 ans, il décéda en la paroisse de Hamsud, dans le grenier de la maison de Pierre Giroux. Les sentiments de pénitence qui l'animaient à ses derniers moments furent un sujet d'édification pour ses amis. Il fut inhumé dans le cimetière de Hamsud le 29 mai 1877. J.A. Chagnon, Édouard Darche, Stanislas Darche et le révérend Venant Charret ont signé l'acte de sépulture. Un autre célibataire de relais vint se fixer sur la terre qu'occupe aujourd'hui Georges Darvaux. Après un séjour de quelques mois, il alla à la Beauce, dans le canton de Gayhurst, et donna son nom au lac Drelais. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté La paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe, province de Québec, par l'abbé Luc-Alphonse Lévesque, lu par Christian Martin. La musique est puisée dans le folklore québécois et appartient au domaine public. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons. Il est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Merci de votre attention. À bientôt.